Psaume 147. Louez l'Éternel, car c'est une chose bonne de psalmodier à notre Dieu, car c'est une chose agréable, et la louange en est bien séante. L'Éternel est celui qui bâtit Jérusalem, il rassemblera ceux d'Israël, qui sont dispersés çà et là. Il guérit ceux qui sont brisés de cœur, et il bande leurs plaies. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est incompréhensible. L'Éternel maintient les débonnaires, mais il abaisse les méchants jusqu'en terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, vous entrerez pendant les uns aux autres, psalmodiez avec la harpe à notre Dieu. Qui couvre de nuées les cieux, qui apprête la pluie pour la terre, qui fait produire le foin aux montagnes. Qui donne la pâture au bétail, et aux petits du corbeau qui crie. Il ne prend point de plaisir en la force du cheval, il ne fait point qu'à des jambières de l'homme. L'Éternel met son affection en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, loue ton Dieu. Car il a renforcé les barres de tes portes, il a béni tes enfants au milieu de toi. C'est lui qui rend paisible tes contrées, et qui te rassasie de la moelle du froment. C'est lui qui envoie sa parole sur la terre, et sa parole court avec beaucoup de vitesse. C'est lui qui donne la neige comme des flocons de laine, et qui répand la bruine comme de la cendre. C'est lui qui jette sa glace comme par morceaux, et qui est-ce qui pourra durer devant sa froidure? Il envoie sa parole, et les fait fondre, il fait souffler son vent, et les eaux s'écoulent. Il déclare ses paroles à Jacob, et ses statuts et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas fait ainsi à toutes les nations, c'est pourquoi elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel.